The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To boast. Vanter. To fall for something. Tomber dans le panneau. Joker. Le plaisantin. To repent. Se repentir. Letter. La missive. Extreme. Outrancier. Presumptuous. Outrecuidant. To make someone smell a rat. Mettre la puce à l'oreille de quelqu'un. Building on. Fort de. To mar. Écorné. Now, a bit faster. To fall for something. Tomber dans le panneau. Building on. Fort de. To make someone smell a rat. Mettre la puce à l'oreille de quelqu'un. To boast. Vanter. Extreme. Outrancier. To make someone smell a rat. Mettre la puce à l'oreille de quelqu'un. Building on. Fort de. To repent. Se repentir. Joker. Le plaisantin. To fall for something. Tomber dans le panneau. To repent. Se repentir. Joker. Le plaisantin. To make someone smell a rat. Mettre la puce à l'oreille de quelqu'un. To mar. Écorné. Letter. La missive. To fall for something. Tomber dans le panneau. Letter. La missive. To make someone smell a rat. Mettre la puce à l'oreille de quelqu'un. Now, use the words in context. Vanter. In order to attract tourists, the government boasts about the soothing green landscapes and the wine production of this region. Pour attirer les touristes, le gouvernement vante les paysages verts apaisants et la production de vin de cette région. Tomber dans le panneau. It is crazy that such a smart man could so easily fall for this and not notice that it was a hoax. C'est fou de voir qu'un homme aussi intelligent que lui ait pu tomber aussi facilement dans le panneau et n'ait pas remarqué qu'il s'agissait d'un canular. Le plaisantin. Two little pranksters put superglue on the headmaster's chair. Deux petits plaisantins ont mis de la colle forte sur la chaise du directeur de l'école. Se repentir. He will refuse to repent for his mistakes. He is way too proud. Il refusera de se repentir de ses erreurs. Il a beaucoup trop de fierté. La missive. Romeo never got the letter, so he believed Juliet was really dead and killed himself. La missive ne fut jamais reçue par Roméo, qui crut à tort que Juliette était réellement décédée, et se suicida. Outrancier. The excessive make-up of the young woman just did not go with the elegant and sober dress she was wearing. Le maquillage outrancier de la jeune femme n'allait pas du tout avec la robe élégante et sobre qu'elle portait. Outrecuidant. Although this pupil has a lot of respect for this teacher, he did not hesitate to show contempt when he learned the revolting things the latter said. Bien qu'il ait beaucoup de respect pour ce professeur, cet élève n'a pas hésité à se montrer outrecuidant lorsqu'il a appris les propos révoltants que ce dernier avait tenus. Mettre la puce à l'oreille de quelqu'un. The fact that she needed to work overtime more and more often gave her husband a hint that there was something happening, so he followed her and found out she had a lover. Le fait qu'elle ait besoin de faire des heures supplémentaires de plus en plus souvent a mis la puce à l'oreille de son mari,